Ashrat Us-Sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps, qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. Faqad kafara bil Qur'an. Idha ash-shamsu kuwirat, wa idha an-nujumu kadarat, wa idha al-jibalu suyirat, wa idha al-'isharu 'uttilat, wa idha al-wuhushu hushirat. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد نواصل بإذن الله عز وجل مع أشراط الساعة والآن سنتحدث بإذن الله عز وجل على الذي نراه عبر الشاشات عبر التلفاز القتل والهرج والفتن وكل ذلك من أشراط الساعة كما بيّن ذلك عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. On continue avec les signes de la fin des temps et aujourd'hui بإذن الله عز وجل on va parler ici d'une chose qui fait partie des signes de la fin des temps et qu'on voit tous les jours, musulmans, musulmanes, croyants, croyantes, même non musulmans, à travers les écrans de télévision, à travers nos écrans d'ordinateur, via internet, etc. C'est-à-dire le meurtre, al-fitan, al-harj, l'anarchie, les troubles et des musulmans qui s'entretuent aussi, et on va en parler, des musulmans qui s'entretuent. وَهَذَا مِنْ أَشْرَاتِ السَّاعَةِ. Les musulmans qui s'entretuent, qui se font du mal mutuellement, à tel point que le musulman qui s'appelle Mohammed et qui croit en Allah et en son messager tue l'autre musulman qui s'appelle peut-être Abdullah et qui croit en Allah et en son messager. Hadha min ashratis sa'a. Ceci fait partie des signes de la fin des temps. Et il suffit de prendre simplement au jour d'aujourd'hui, à cet instant-là, un sujet ici qui est connu par tous et tout ce qui se passe en Syrie, fi Souria. Et on voit des musulmans se faire tuer. Pourquoi? Parce qu'ils disent Amantu billah, je crois en Allah Azza wa Jal. Ce sont des musulmans. Ils veulent rien du tout. C'est des innocents. Ils n'ont ni déclaré la guerre. Ils ne veulent ni al-fitan, les troubles. Ils ne veulent rien du tout. Ce sont des femmes, des enfants. Walakin, ils se font tuer. Pas par dizaines, pas par centaines, mais par milliers. Et ça, fahada min ashrati sa'a aussi. Et ça, ça fait partie des signes de la fin des temps. Ça, c'est des choses que le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé il y a 14 siècles. C'est-à-dire que les musulmans vont s'entretuer. Il y aura de plus en plus de meurtres. Il y aura de plus en plus de troubles. Et ici, il y aura de plus en plus de personnes tuées en masse. Et billahi alaykoum. Est-ce que les moyens, les armes, l'armement qui existent au jour d'aujourd'hui existaient à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Ça n'existait pas. Donc de là, on en déduit que ici, voir, yani, ou alors, de voir des musulmans tués en masse au jour d'aujourd'hui, c'est une chose qui n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'avec une épée ou avec des épées et une personne ou dit même des centaines de personnes peuvent tuer des millions de personnes ou des milliers de personnes en une journée? Ce n'est pas possible, c'est très difficile, c'est quasiment impossible du moins. Est-ce qu'une seule personne peut tuer des milliers de personnes au jour d'aujourd'hui? C'est possible ou pas? Naam. En appuyant sur un bouton. Simplement, il peut tuer des milliers de personnes. Et ça, ça fait partie des signes de la fin des temps. La preuve, ayol ahib, que ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui, on est ce qu'on voit à travers la télé, ce qui se passe particulièrement en Syrie au jour d'aujourd'hui. On parle de la Syrie parce que ici, ayol ahib, c'est un sujet qui est un sujet d'actualité et dont les musulmans et les non-musulmans sont sensibilisés. Et comment ne pas être sensibilisé alors qu'il y a al-atfal, il y a al-nisa, il y a des innocents qui sont tués. Qui sont tués simplement au nom des passions. Par des gens, écoutez bien, qui n'ont plus de raison. وَهَذَا مِنْ أَشْرَاتِ السَّاعَةِ وَقَدْ تَحَدَّثَ عَنْ ذَلِكَ مُحَمَّدَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Ah, ce que je cite, faut bien suivre, hein. Ce que je cite depuis tout à l'heure, ça fait partie des signes de la fin des temps. J'ai dit quoi maintenant? Des gens qui tuent. Des gens qui tuent. Sans aucune raison valable. En suivant leur passion. Et c'est des gens qui n'ont plus leur raison. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Et le prophète en a parlé avec ces propos-là, c'est-à-dire des gens qui n'auront pas leur raison, qui sont des gens qui n'ont pas de raison. Et le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé. Et au jour d'aujourd'hui, quand on voit des criminels, des oppresseurs tuer des milliers de personnes, la seule chose qu'on entend ici ou parmi les choses qu'on entend venant de la bouche des musulmans, mais aussi des non-musulmans. C'est quoi? C'est des gens, ça peut être que des gens qui n'ont pas de raison. C'est des fous, c'est des inconscients. Comment un être humain peut aller jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce degré-là? Tuer des milliers de personnes. Et tout le monde lui dit que c'est un égaré, tout le monde lui dit d'arrêter, et les femmes et les enfants disent, nous, on ne veut rien. On veut simplement la liberté. Comme si vous avez suivi un peu les actualités, ici, il y avait des femmes où ils ont repris, et je pense que c'était une journaliste qui a repris des commentaires de gens qui étaient dans cette ville, qui est en train de subir, minute après minute, jour après jour, heure après heure, des carnages, des bombardements. Elle prenait des témoignages, et elle prenait des témoignages de femmes qui disaient, on ne veut ni pain, on ne veut ni eau, on ne veut ni nourriture, on ne veut ni argent, on veut simplement qu'on arrête de nous bombarder. C'est la seule chose qu'ils demandent. Est-ce que billahi alaykoum, celui qui fait ça, est-ce que c'est une personne douée de raison ou pas? Est-ce que cette personne a toute sa raison ou pas? Le prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim en a parlé. Est-ce que tout ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui à la télé, ayyuhal ahibba, est-ce que c'est une bouchra? Est-ce que c'est une annonce? Un ignorant dira, c'est pas possible que ce soit une bonne annonce. وَالرَّجُلْ ذُو عِلْمٍ, la personne qui a de la science, détenteur de science, فَيَقُولْ فَوَرَبِّ الْكَعْبَ هَذِهِ بُشْرَ. Ça, c'est une bonne annonce. Et ça, c'est une preuve que la communauté est et restera بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ dans un grand bien. فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Comment cela? Tout ce que je viens de citer en introduction, on va le voir dans les détails بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, ici à travers les preuves du Coran et de la Sunna, بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. نَعَمَ أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ, ce qui se passe maintenant, au jour d'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, et particulièrement en Syrie. Je dis pas que en Syrie, mais particulièrement en Syrie, tout musulman et tout croyant et croyante doit être sensibilisé et doit se préoccuper de ce qui se passe en Syrie auprès de nos frères et sœurs. Car nous sommes contre toute oppression, envers musulmans et non-musulmans. Que dire envers les musulmans? Et ici, il ne fait pas partie de la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, il n'est pas sur la voie du prophète, sur la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, sur le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans. Comme des gens, tu leur dis, t'as vu ce qui s'est passé en Syrie? Je sais même pas. Peut-être parmi les musulmans, wallah al-adim, certaines personnes savent même pas que la Syrie a été bombardée et ne cesse d'être bombardée. Peut-être parmi des musulmans. Alors que tu verras des non-musulmans ici qui regardent chaque jour et qui suivent chaque jour l'actualité par souci. Par souci, ayyuha al-ahibba. Et ce souci n'est pas un acte d'adoration pour eux. Mais c'est simplement ici un souci humain. C'est simplement dû à des sentiments qu'ils ont et qui les poussent. Des sentiments de tristesse qui les poussent à voir, est-ce qu'il y a encore des femmes qui vont se faire bombarder? Est-ce qu'il y a encore des hommes, des innocents qui vont se faire bombarder? Et au jour où il y a certains musulmans, wallah al-adim, ka'anna al-amra la ya'ni, comme si ça ne le concernait pas. Alors que le prophète A.S. nous rappelle, ayyuha al-ahibba, dans plus d'un hadith, que le souci de ton frère doit être ton souci. Si demain tu entends que ta mère meurt, quel sera ton état? Ici, il y a quelques jours, il y a un frère parmi nous qui est décédé. Quel a été notre état? Et quel est notre état? Mais quel est notre état quand on entend qu'il y a des milliers comme lui qui décèdent chaque jour? C'est pas un. Plus que cela. Si nous entendions qu'un enfant meurt, peut-être on sera encore plus sensibilisé. 12 ans, 13 ans. Si tu entendais que cet enfant était mort torturé, quel serait ton état? Si je te dis, ya Abdallah, et c'est une chose que tout le monde sait, voilà qu'il peut méditer sur ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, comme il se doit, il peut prendre des leçons, comme il se doit, des milliers d'enfants au jour d'aujourd'hui. Et si, on va dire du moins, des centaines d'enfants, au jour d'aujourd'hui, sont peut-être morts, musulmans, innocents. Et quel est notre état? Des milliers de femmes, de milliers de mères ont vu leurs enfants mourir devant eux. Des pères, des personnes âgées, innocents. Au jour d'aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a des innocents qui se font tuer. Quel est notre état? Alors que quand c'est un proche, et c'est humain, qui est mort ou qui meurt, là, à ce moment-là, vraiment, on prend conscience de l'importance de la vie humaine, musulmane ou non musulmane, de la vie humaine. Et ça, on va en parler dans Bi'idnillah Azza wa Jal. Là, à ce moment-là, on s'en rend compte. C'est pour ça, ayyuha al-ahibba, que tout croyant et tout croyante doit suivre les actualités et savoir ce qui se passe dans le monde musulman concernant la communauté du prophète Mohammed alayhi afdalus salat wa askat taslim. Sinon, sûrement, tu en rendras des comptes au jour de la résurrection, ya Abdallah. Les musulmans, comme a fait Sahih et Muslim, l'image des musulmans est-elle l'image d'un même corps? Quand une partie du corps ressent un mal, souffre, le reste du corps réagit par l'insomnie et la fièvre. Ça, c'est les musulmans normalement. N'est pas des notes, ayyuha al-ahibba. celui qui ne se préoccupe pas, il ne fait pas attention. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté? Walakin, c'est toujours nafsi, nafsi, nafsi. Et tous ces ahadiths et tous ces versets coraniques qui parlent de l'umma, c'est pour éloigner la personne de quoi? L'égoïsme. Je pense qu'à moi-même, je suis égoïste, je fais ma petite ville tranquille, ma petite vie tranquille et je vois ici la vie en rose quelque part. Et dès qu'il y a des petits problèmes, non, moi je m'éloigne. Wal'iyadu billah. Ça c'est pas le croyant. Al-mu'minu al-qawi. Khayr wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa likullin khayr kama qala alayhi salatu wa salam. Le croyant fort est plus aimé, préférable auprès d'Allah Azza wa Jalla que le croyant faible. Et dans les deux, il y a un bien, bien sûr. Voilà que le croyant fort, il est préférable et plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est le croyant qui reste raffermi lors des épreuves. Et c'est le croyant ici qui pense à la communauté du prophète alayhi salatu wassalam et qui reste pas toujours à penser qu'à lui-même et sa petite famille. C'est déjà très important, c'est bien, mais pense à la communauté. C'est pour ça que j'enjoins ma personne et tous les croyants et croyantes de mettre leur épouse, que les épouses mettent leur mari, que les parents mettent leurs enfants, bien sûr sans heurter la sensibilité des plus jeunes, c'est-à-dire je dis pas de mettre un enfant de 1 an ou 2 ans, mais 7 ans, 8 ans, na'am, de le mettre devant les écrans télé, de mettre devant les écrans d'ordinateur. Pas pour regarder des dessins animés, pas pour regarder des films, pas pour regarder des séries TV, des choses qui poussent quelquefois le croyant à pleurer, alors que ce n'est que du mensonge, wal'iyadu billah. Et peut-être que ce croyant ne pleure même pas quand il entend kalam Allah Azza wa Jal. Mais pour montrer aux enfants, aux épouses, aux époux, ce qui se passe concrètement et réellement au jour d'aujourd'hui dans la communauté. Montre-leur les enfants qui pleurent, montre-leur les enfants qui se font tuer. Oui, mais pas mon fils de 8 ans. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé et a fait que des enfants de 8 ans au jour d'aujourd'hui patientent et arrivent à supporter ce qui se passe en Syrie et autres, sache que ton fils pourra patienter, supporter à regarder alors qu'il ne vit même pas. Comment ton fils va pas supporter alors qu'on ne dit même pas à ton fils de participer ou alors de subir ça, mais simplement de regarder? Mais nous sommes trop protecteurs quelquefois, c'est humain, mais quelquefois trop. Qui aime bien, châtie bien. C'est les non-musulmans qui le disent. Je ne dis pas de frapper et de châtier. On est contre laisser des marques aux enfants, de frapper les enfants, de frapper les femmes. On est contre. Walakin, c'est une expression qui montre. Quelquefois, celui qui te fait mal, même si c'est pas physiquement, mais avec la langue, en te donnant des bons conseils, c'est celui-là que tu devrais écouter, ya Abdallah. Parce que c'est celui-là qui te veut du bien. Quand tu vois ton enfant faire une bêtise et tu lui donnes une fessée, par exemple, est-ce que ici tu l'aimes pas parce que tu l'as frappé? Non, au contraire, c'est pour l'éduquer. Pour qu'il s'éduque, pour qu'il devienne quelqu'un de bien, de droit. De correct. C'est la preuve que ça ne veut pas dire parce que tu es toujours gentil avec une personne ou que tu es toujours gentil avec une personne que tu veux automatiquement son bien. Abadan, qui aime bien châtie bien. Donc nous disons ici, il faut sensibiliser les âmes. Les enfants qui maintenant vivent dans le luxe. Et les parents ici qui ont oublié ce qui se passe dans la communauté et qui sont trop protecteurs quelquefois. Il faut se rappeler ici de comment a vécu le prophète les compagnons. Et si tu n'arrives pas parce que tu dis non mais là c'est trop loin, eux c'était un monde, nous c'est un autre monde. Juste allume la télé et regarde ce qui se passe dans le concret au jour d'aujourd'hui. 7-8 ans et regarde des enfants comment ils parlent avec maturité. Quelquefois on a l'impression qu'ils ont 25 ans ou 30 ans et plus. Le jour où tu vois des gens de 30 ans, 35 ans dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam qui sont seuls souhaits, c'est de vendre de la drogue pour gagner un peu d'argent pour aller en vacances au Maroc ou en Algérie avec une décapotable. Encore des gamins. Regardez ici ayyuhal ahibba la différence. Quand on regarde al-waqi', la réalité des choses ayyuhal ahibba, avec une clairvoyance, al-basira, tu te rends compte qu'on est loin, illa man rahim Allah. Et c'est pour ça, ayyuhal ahibba, qu'en voyant ces scènes-là, à ce moment-là, peut-être, la personne va commencer à prendre conscience qu'elle est dans une ni'ma. Et elle va être, écoutez bien, reconnaissante envers Allah Azza wa Jal. Et al-shukr, ayyuhal ahibba, wajib. Wa shukr, qad yakunu ahyanan bil qalb. Bel, naqulu yakunu bil qalb, wa bil lisan, wa bil jawarihi wal arkan. La reconnaissance est obligatoire. Et aller avec le cœur, reconnaître dans ton fort intérieur, Ya Rab, falak alhamd. Être satisfait d'Allah, Azza wa Jalla, ce qu'il t'a donné, al-ni'am. Ici, avec la langue, de le dire. Fa'amma bini'amati rabbika fahaddif. Concernant les bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Et à travers les membres. C'est-à-dire, tu montres que tu es reconnaissant envers Allah, Azza wa Jalla. Comment? Ah, en donnant des aumônes. En venant à la prière. En faisant la prière. En faisant du bien. En faisant da'watu ilallah, Azza wa Jalla, etc. Tu le prouves. Mais tu ne pourras être reconnaissant que lorsque tu te rendras compte des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné. Et tu te rendras compte des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné que lorsque tu mettras en application le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus. Ceci est plus à même pour vous de vous faire reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur vous. De reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur vous. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est dans une ni'ma. Et une personne ne connaîtra pas vraiment une situation tant qu'il ne l'a pas vécue. Écoutez bien. Et ici, tu donneras la valeur à une chose que lorsque tu l'auras perdue. Que lorsque tu l'auras perdue. Et c'est pour ça que je me rappelle ici, il y a quelques jours, j'ai vu, on m'a montré une vidéo sur un chir. Vous pouvez la voir sur Internet. Qui raconte une conversation téléphonique qu'il a eue avec une sœur. Lui-même, il a eu cette conversation téléphonique avec une sœur. Et il disait, il prenait cette morale, cette leçon, al-ibra, min hadha al-hiwar, ma'a hadhi al-mar'a, de cette discussion avec cette femme-là. C'est quoi la morale, c'est quoi la leçon? Il disait, tu ne te rendras pas compte d'un bienfait que lorsque, comme il se doit, que lorsque tu l'auras perdu. Et ça, c'est notre cas, yu al-ahibba. Quand on aura perdu le confort, la sécurité, là, à ce moment-là, on se rendra compte de ce grand bienfait qu'on avait. Mais tellement qu'on est dans le confort, dans le raha, dans l'amn, la sécurité, on ne donne même pas d'importance à cette sécurité, à ce confort. Le fait d'être là, فَوَرَبِّ الْكَعْبَ فَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ النِّعَمِ, ça fait partie des plus grands bienfaits sur nous. Dans la sécurité, dans le confort, en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, être dans un jardin, رَوْدَ مِنْ رَوْدَةِ الْجَنَّةِ, dans un jardin parmi les jardins du paradis, يُوَ الْأَحِبَّ, comme le prophète عليه الصلاة والسلام les a appelés les jardins du paradis. On est dans un jardin du paradis, يُوَ الْأَحِبَّ, et ici en train de parler d'Allah et de son messager, de se rapprocher d'Allah, بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ça, c'est un grand bienfait. Mais quand on aura perdu ça, là, on va se dire, quel bienfait on avait. Et il donne, il tire cette leçon de quoi, cette conversation qu'il a eue avec cette femme. Il dit, une femme m'a appelé en pleurs. Et elle disait, Yachir, est-ce qu'il y a une tauba pour moi? Est-ce que je peux me repentir? Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, voilà. J'étais avec mon mari. Et quelque part, elle montre son ingratitude envers son mari. Elle s'est précipitée ici quant à la colère qu'elle a eue envers son mari, ou alors elle s'est précipitée quant au divorce, à la séparation. Alors vous savez que toute personne, ou plutôt toute femme qui demande la séparation avec son mari sans raison valable, qu'est-ce que c'est que le prophète alayhi salam a dit? Elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Elle dit quoi? Elle dit, j'étais devant mon mari et j'avais tellement de la haine, de la colère. Regardez, elle n'a pas contrôlé cette haine, cette colère. C'est son âme astigatrice au mal a pris le dessus. Elle regardait son mari et elle provoquait son mari. Et elle lui disait, si tu es un homme, divorce-moi. Son mari ne disait rien. Il était comme ça. Il avait sa tête sur la main et il la regardait. Et elle disait, si tu es un homme, divorce-moi. Et elle disait, moi je vais me séparer de toi. Et tu sais ce que je vais faire? Moi je vais te ramener dans les tribunaux. Et elle a joué comme certaines femmes au jour d'aujourd'hui jouent avec ça. Écoutez bien. Il y a quelques jours cette situation. Regardez sur internet et vous allez la trouver. Et ici elle dit quoi? Je vais te faire la misère. Je vais te ramener devant les tribunaux. Et je vais t'enlever tes enfants. Masha'Allah. A-t-elle oublié qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et à Allah nous retournerons. Ton fils, c'est pas ton fils. Toi, tu ne t'appartiens pas à toi. Toi, tu as été créé de poussière, tu retourneras sous la terre. Et tu retourneras en poussière, ya Abdallah. Est-ce qu'elle a oublié que ici, au-dessus d'elle, il y avait Allah Azza wa Jalla et qu'on était dans un examen? Et elle lui dit, tu verras tes enfants qu'une fois par semaine. Et je vais te faire goûter la misère. Et ensuite elle lui dit, tu réponds pas? Réponds, divorce-moi, t'es même pas un homme. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et elle continue à le blâmer, à le blâmer, à le blâmer. Quand elle s'approche de lui, elle s'est rendue compte que quoi? Matt, il est mort. Il est mort d'un infarctus. Traumatisé, choqué. Elle a voulu jouer avec lui, il est mort. Comme ça. Et le chéri raconte. Il disait comme ça, elle pleure. Elle dit, maintenant comment je vais faire? Est-ce que... Ya ibad Allah, n'avez-vous pas entendu le hadith du prophète alayhi salatu wassalam? Quand il dit, celui qui a fait du mal à son frère, qui a opprimé son frère, qu'il s'en acquitte au jour d'aujourd'hui. قبل أن يأتي هذا اليوم أيها الأحبة الذي لا ينفع فيه دينار ولا درهم. Avant que vienne le jour où ni les dinars et ni les dirhams ne profiteront en rien. Ce sera trop tard. Parce que quand la personne est morte et tu lui as fait du mal et tu ne lui as pas dit, pardonne-moi. Pardon, excuse-moi, c'est trop tard. Tu peux pas te racheter avec lui. Quand toi, tu as fait un péché envers toi-même, tu te repens, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne ou il te pardonne pas. Walakin, quand tu as fait du mal à quelqu'un, même si tu te repens, et même si tu demandes pardon à Allah azza wa jal, Allah te pardonne que si cette personne t'a pardonné. Ça, c'est une condition en plus. Mais si la personne est morte, comment tu vas faire, ya Abdallah? Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas le ressusciter trop tard? Donc, rendez-vous à ce jour qui va venir où il y aura Al-Qisas, le jour des comptes. Tu peux même pas, c'est même pas bon. Khlas, au pire, dans ma tombe, je vais prendre rendez-vous avec lui, je vais lui dire pardon. Non, même la tombe. Au jour de la résurrection, Abdallah, au moment où il y aura le qisas, au moment où il y aura les comptes, au moment où il y aura le talion, au moment où tu devras rendre des comptes auprès de lui, là tu viendras auprès de lui. Et là, à ce moment-là, Abdallah, si tu es tombé avec une personne qui n'a pas assez de bonnes actions, et qui verra al-adab avec ses yeux, qui verra le jour de la résurrection avec ses yeux, le jour où les gens diront nafsi, nafsi, nafsi, je pense pas qu'il te pardonnera facilement. Surtout s'il a pas assez de bonnes actions. Donc là, il faudra t'accrocher. Tandis que là, c'est facile. Ah, je te pardonne, pas de problème. Ou c'est assez facile dans certaines situations. Mais le jour où, yawma yafirru al-mar'u min akhi, si Allah l'a décrit comme ça, c'est que ça va être un dur ou un jour très difficile, même ton père, ta mère, ta con, tu vas prendre la fuite. Tu crois que tu vas dire, ah bah non, c'est bon, je te pardonne. Et là, ça sera nafsi, nafsi, nafsi. Tu crois que la personne va te pardonner facilement? Donc c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit s'en acquitter. Mais quand elle voit, ici son mari qui est mort, bien sûr, on lui dit repends-toi auprès d'Allah, azza wa jal. Walakin, regardez, ayyuhal ahibb al-musiba. Et il tire de cette situation, cette morale, masha'Allah, et il dit quoi? On se rendra compte d'une chose, d'un bienfait, que lorsqu'on l'aura perdu. Ah, là maintenant, billahi alaykoum, est-ce qu'elle va dormir tranquille, cette femme-là? Est-ce qu'elle va avoir des remords toute sa vie? Fawarabbi al-Ka'ba, sûrement toute sa vie. Toute sa vie, elle va dire, mais pourquoi je lui ai fait ça? Peut-être, regarde ça, Allah m'a scandalisé, Allah. Regardez. C'est pour ça, yu al-ahibba, quand on a un bienfait, il faut qu'on voit des choses qui nous réveillent, qui nous montrent que c'est un bienfait pour qu'on soit reconnaissant. C'est pour ça, la sécurité, le confort, on s'en rendra compte que quand on aura pris connaissance qu'on est dans un bienfait. Et on pourra prendre connaissance qu'on est dans un bienfait que lorsqu'on aura vu des situations plus graves et plus catastrophiques que les nôtres. Et beaucoup plus graves et beaucoup plus catastrophiques que les nôtres dans la réalité, à travers la réalité des choses. Simplement à travers la télé, ce qu'on voit en Syrie maintenant. Et c'est pour ça la moindre des choses qu'on peut se faire, c'est ad-du'a. Et de dire, « Ala al-aqal, Allahumma ansur ikhwanana fi Syria wa fi kulli makan. » C'est de dire, « Allah, de secourir nos frères en Syrie et partout dans le monde. » رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج وقيل وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل فقال عليه الصلاة والسلام a dit l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que se multiplie quoi الهرج dit si tu veux l'anarchie et ils ont dit mais c'est quoi الهرج et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit القتل القتل le meurtre le meurtre. رواه الإمام البخاري. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit avant la venue de l'heure, il y aura des jours d'anarchie durant laquelle, et on les vit ces jours-là. Écoutez bien, durant laquelle disparaîtra la science. Elle se fera, elle sera de moins en moins présente. C'est pas, on l'avait déjà expliqué, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de science, mais elle se fera de moins en moins présente. Il y aura de plus en plus d'ignorance, comme le prophète a dit, et apparaîtra l'ignorance. D'accord? Et ici, quelqu'un va nous dire, mais qui a tué qui? C'est qui tue qui? On comprend plus rien. C'est vrai ou pas? Au jour d'aujourd'hui, on comprend plus rien. Quelquefois, on entend, c'est un musulman qui a tué un autre musulman, ça c'est un groupe avec un autre groupe, hadi ta'ifa, avec une autre personne, hadi muslim ou al-akhir muslim, on comprend plus rien. C'est vrai ou pas? Isma'il hadi al-hadith. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit « Inna bayna yaday al-sa'a al-harj ». Regardez le prophète, qu'est-ce qu'il dit avant la venue de l'heure? Il y aura al-harj, avec une traduction approximative, l'anarchie. Et ici, ils demandèrent, c'est quoi al-harj? Le prophète, il dit « Al-qatl ». Il dit, c'est le meurtre. D'accord? Ensuite, il dit « Innahu laysa biqatlikum al-mushrikin ». Regardez ce qu'il dit, le prophète عليه الصلاة والسلام, il ne s'agit guère du meurtre des polythéistes. D'accord? Walakin qatlu ba'dikum ba'da. Il dit, je parle pas du meurtre, les polythéismes, des associateurs envers les musulmans. Il dit non, mais c'est le meurtre entre vous. C'est ce qui se passe ou pas? Du moins, c'est des gens qui se prétendent musulmans quelquefois. Après, est-ce qu'ils sont musulmans? Pas, on rentre pas dans les détails. À la kulli hal, ils se disent, et ils se prétendent musulmans. C'est vrai ou pas? Et c'est dans un même pays musulman où on voit des milliers de morts. Le prophète, il l'a dit il y a 14 siècles. Il l'a dit, hein, il y a 14 siècles. Continuez avec moi. Ils demandèrent, aurons-nous notre raison ce jour-là? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? La raison de la plupart des gens de cette époque sera ôtée et fera place à des gens bornés. Subhanallah, ils ont été étonnés. Ils ont dit, entre nous, est-ce qu'on aura la raison? La raison sera, et on fera place à quoi? À des gens? À des gens bornés. La plupart d'entre eux penseront se fonder sur quelque chose. Walakin, ils ne se fonderont sur rien. comme le prophète عليه الصلاة والسلام dit, يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليس على شيء. Subhanallah. Est-ce que c'est ce qu'on voit billahi alaykoum au jour d'aujourd'hui? Il l'a décrit dans les détails. Sallallahu ala alladhi la yantiqu anil hawa. Dans les détails, il y a 14 siècles. Alayhi salatu wassalam. Maintenant, quelqu'un va nous dire, tous ces meurtres qui se passent, c'est quoi la raison? Quand la personne est tuée, on a dit souvent ça va venir entre nous. C'est pas que entre les musulmans. Mais beaucoup entre les musulmans. Ou du moins ceux qui se prétendent musulmans. Mais c'est quoi la raison? Tellement qu'il y a de meurtres. Et on a dit quoi précédemment? On comprend plus rien. C'est vrai ou pas? Tellement qu'il y a ça, on comprend plus rien. Tu dis les mêmes, hada qatala al-akhar, wa hada qatala akhah, wa, tu comprends plus rien. Là, nafhamu shay. Et c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam, il montre. C'est quoi la raison? Regardez, c'est tellement énorme. Regardez, une fitna, c'est quoi? C'est tellement énorme. Mais le prophète, il explique et il montre. C'est quoi la raison? Écoute bien, Abdallah, rapporté par l'imam muslim. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, والذي نفسي بيدي, par celui qui détient mon âme en sa main, la terre ne disparaîtra pas tant que les gens ne connaîtront pas de jour, Isma', où le meurtrier ne saura guère pourquoi il a tué. Le meurtrier ne saura guère pourquoi il a tué. لا يدري القاتل فيما قتل. Et il dit, ولا المقتول فيما قتل. Et même celui qui a été tué, pourquoi il a été tué? Et on demandera alors, comment cela sera-t-il? Il dit, le prophète alayhi salatu wasalam, al-harj, al-qatil, wal-maqtoul, fin-nar. Il dit, ça sera l'anarchie. Al-fouda, al-harj. Et il dit, le meurtrier et l'assassiné seront en enfer. Pourquoi? Donc on généralise pas là. Mais dans certains cas, le meurtrier, d'accord, et celui qui a été tué seront en enfer. Pourquoi? Les deux avaient l'intention de quoi? De tuer. Innama al-a'malu bin-niyyat. Celui qui a été tué, s'il n'avait pas été tué, il aurait tué l'autre. Donc, khlas, il a été tué. Celui qui a tué, en enfer. On est d'accord, en enfer. Et celui qui a été tué, il est en enfer. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actions ne valent que par leur intention. Mais le prophète, alayhi salatu wasalam, regardez ce qu'il dit. Al-qatil wal-maqtoul, finnar, d'accord? Même s'il est musulman. Et ça prouve quoi, ayyuhal ahibba? Ça prouve quoi ici? Que celui qui tue un musulman, il est en enfer. Éternellement ou pas éternellement? S'il est musulman, il n'est pas éternellement. C'est quoi la preuve? ما شاء الله وبالتفصيل إن شاء الله يقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. Première des choses, celui qui tue intentionnellement, écoute bien, un musulman, فجزاؤه, sa récompense, d'accord, فجزاؤه, جزاء, الجزاء, c'est une récompense, mais Allah عز وجل il récompense par le bien et par le mal. ولذلك قال العلماء إذا قيل لك جزاك الله خيرا لا يجوز ان تقول جزاك الله خيرا اش تقول سي كالله te récompense par le bien وانت كذلك. Tu dis ça ou pas? وانت من اهل الجزاء. Tu dis ça ou pas? Tu dois préciser. اذا قلت وانت من اهل الجزاء قلنا احيانا قد يكون الجزاء bi al-azab. Ici, quelquefois, la récompense, elle est avec le châtiment. Donc, tu dis, ici, tu dois préciser al-khayr. Jazakallahu khayra. D'accord? Ici, quand on te dit qu'Allah te récompense par le bien, ici, tu dois répondre wa anta kadhalik. Toi, de même, qu'Allah te récompense par le bien. Faut préciser par le bien. D'accord? Et on doit pas dire wa anta min ahli al-jazaa. Parce qu'on ne sait pas quelle récompense toi tu feras partie et que toi tu fasses partie des gens qui seront récompensés. Parce que ça peut être récompensé par le bien et par le mal. وَمَنْ يَقَتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. L'enfer. Ça y est, Allah il dit, il a l'enfer. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. خَالِدًا فِيهَا, c'est éternellement. D'accord? وغضب الله عليه, Allah est en colère contre lui. ولعنه, et il est maudit. Par qui? Par Allah. Regardez tout ce qu'il a. L'enfer, éternellement, la colère d'Allah. ولعنه. Et ici, il a la malédiction d'Allah. وأعد له عذابا عظيما. Et Allah lui a préparé un châtiment énorme. Regardez tout ce qui est réservé pour celui qui tue intentionnellement un musulman. Intentionnellement un musulman. Maintenant, est-ce que on a le droit de dire que celui qui tue intentionnellement un musulman, il est en enfer éternellement? Al-khuloud, khuloudan, kama qala ahlul ilm. Al-khuloud, le fait de dire, ici, avec une traduction approximative, mais qui est pas assez détaillée, éternellement, c'est une longue durée. C'est-à-dire l'éternité, ici, en arabe, est de deux types. D'accord? Il y a al-khuloud al-mu'akkat, c'est-à-dire une éternité qui est délimitée. D'accord? Et il y a une éternité qui n'est pas délimitée. من وقع في كبيرة من الكبائر يعني فلا زال مسلم. D'accord? Ici, il est toujours musulman. لا يخرج من الملة. Celui qui est tombé dans un grand péché, il ne sort pas de l'islam. ولكن من وقع في الشرك قد خرج من الإسلام بإجماع العلماء بعد إقامة الحجة عليه. Après l'établissement de la preuve sur lui. الدليل على ذلك. La preuve de cela. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il pardonne pas. ولكن à part ça, il pardonne à qui il veut. خلاص. ولكن dans ce verset coranique, on a خالدا فيها éternellement. Mais on travaille pas qu'avec un verset ou qu'avec un hadith. Dans d'autres hadiths, il est rapporté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il intercédera et il sortira de l'enfer toute personne qui a eu mithqal, juste ne serait-ce que le poids d'un atome de iman dans le cœur. Il le sortira de l'enfer et il sera mis au paradis. D'accord? Il sera mis au paradis. Il n'y a aucune preuve dans le Coran et dans la Sunna que un grand péché fait de toi une personne qui est éternellement en enfer. D'accord? Et ici, al-arab, les Arabes, ils utilisaient al-khuloud pour montrer un séjour délimité. D'accord? Al-iqama. Un séjour, quand tu séjournais dans un endroit, de façon délimitée, ils utilisaient al-khuloud. C'était ce qui était connu chez les Arabes. D'accord? Et donc, ici, les savants ont dit, ça c'est la preuve, c'est-à-dire en réunissant tous les hadiths qui montrent que toute personne qui a eu le poids d'un atome de iman dans le cœur, ici ne restera pas éternellement en enfer. Et vu que les Arabes utilisaient al-khuloud pour montrer un séjour déterminé, d'accord, déterminé, et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné abada. D'accord, abada, ça a deux significations en arabe. Toujours ou bien jamais. Ça dépend du sens de la phrase. Quand c'est négatif, c'est jamais. Ou alors l'opposé positif, toujours. Ça dépend du sens de la phrase. Et ici, Allah Azza wa Jal, il dit khalidan fiha. Est-ce qu'il a dit abada? Non. S'il avait dit abada, les savants ils ont dit ça serait éternellement. C'est-à-dire, il ne sortira jamais de l'enfer. Walakin, quand il n'y a pas le mot abada, contrairement à d'autres versets coraniques, khlas. Là, ça veut dire que c'est délimité tant qu'on ne parle pas de personnes qui sont sorties de l'islam. Tant qu'on ne parle pas de personnes qui sont sorties de l'islam. Pourquoi? Al-Kuffar, quand on parle de Al-Kuffar, c'est-à-dire des gens qui sont sortis de l'islam, on parle de Al-Khuloud. On parle de l'éternité qui n'est pas délimitée. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'eux dans le Coran Al-Karim. Et il dit, يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. Ils veulent sortir de l'enfer, mais ils ne sortiront jamais de l'enfer. Là, il parle de qui? Al-Kuffar. من خرج من الملة فهو في النار خالدين فيها أبدا. Celui qui sort de l'islam, والعياذ بالله, il est en enfer éternellement. Ça y est, il est plus musulman. Il est éternel. Il est sorti de l'islam et en enfer éternellement. Celui qui reste musulman, d'accord? Même si on entend khalidan fiha ici, ou bien khalidina fiha, tant qu'il reste musulman, il n'est pas tombé dans shirk, ou il n'a pas fait un acte clair qui le sort de l'islam, mais il reste musulman, donc à ce moment-là, c'est une longue période, mais une période mu'aqqat, c'est-à-dire délimitée. C'est une période délimitée. Kazani mathalan. Ou al-qatil. D'accord? Comme le fornicateur, ou bien celui qui tue. Ad-dalilu ala dhalik. Yaqulu jalla wa ala. ويتحدث عن عباد الرحمن والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. D'accord, Allah Azza wa Jalla parle des serviteurs du miséricordieux. Il dit ne tue pas une âme qu'Allah a rendu une âme. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Il ne tue pas une âme qu'Allah a rendu sacrée sauf de bon droit. ولا يزنون. Ah, on parle du fornicateur aussi. Sinon, on va dire le fornicateur, il est où? En enfer éternellement aussi. وهذه العقيدة عقيدة الخوارج. Ça c'est العقيدة de الخوارج. والعكس عقيدة المرجئة. Et l'inverse, c'est-à-dire que fais ce que tu veux, tu ne seras jamais châtié ou tu n'iras jamais en enfer, ça c'est le murji'a. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. Et si on a fait de vous une communauté de juste milieu, c'est quoi? أهل السنة والجماعة. Les gens de la sunna, الذين يتمسكون بسنة المصطفى ويجتمعون حولها. Et ici, ceux-là, ce groupe-là, qui est le groupe sauvé, ils disent, Al-Kaba'ir, celui qui tombe dans un grand péché, tant qu'il ne légifère pas ce grand péché. C'est pas, il va faire zina, il va dire non, c'est halal, zina. بعد إقامة الحجة من قال ذلك أن الزنا حلال, فقد خرج من الملة بإجماع العلماء. Il sort de l'islam à l'unanimité des savants. Parce qu'il a rendu halal ce que Allah a rendu haram. ولكن il dit, je reconnais que c'est haram, mais il fait zina. Il reste musulman. D'accord? Donc Allah Azza wa Jalla dit, il ne tue pas qu'une âme a rendu sacré sauf de bon droit, wa la yaznun, et il ne fornique pas. Wa man yaf'al dhalik yalqa athama. Celui qui fait cela, on parle du fornicateur aussi. Du fornicateur. Il rencontrera une punition. Yudha'af lahu al'adhab yawm al-qiyamah. Son châtiment sera doublé au jour de la résurrection. Wa yakhlud fihi muhana. Ah, on parle de quoi? Al-khulud. Et Allah Azza wa Jalla parle du fornicateur. Donc si tu dis celui qui a tué, dis aussi le fornicateur. Et rajoute celui qui a mangé riba. Et rajoute, parce qu'Allah utilise ce terme, il parle de al-khuloud. Et ici, Allah Azza wa Jalla dit, wa yakhloud fihi muhana, il demeurera éternellement en enfer. Et en plus de ça, couvert d'ignominie. Et tout cela, yuwal ahibba, ce sont des gens qui resteront une période bien déterminée en enfer. D'accord? Et c'est pour ça que ça n'a jamais été rapporté des salafs, des compagnons et du prophète alayhi salatu wasalam qu'un zani il sort de l'islam. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Non. Que quelqu'un qui commet riba, il sort de l'islam. Ça jamais. Et c'est la même chose. Et c'est en utilisant tous les textes ayu al-ahibba et les textes qui nous paraissent être ambigus quelquefois, mal compris, on les renvoie aux autres textes coraniques qui vont nous expliquer et nous clarifier les choses et aux hadiths. Bifam salaf al-umma. Jamais ici on a entendu que quelqu'un qui fornique ou quelqu'un alors qu'il mangeait de riba, il est éternellement en enfer. Comme celui qui tue ici une âme musulmane, il reste musulman, d'accord, tant qu'il n'a pas légiféré ceci. Mais s'il dit maintenant c'est halal de tuer les musulmans, yakhruj min al-milla bi ijma' al-ulama ba'da iqamat al-hujja alayh kama qala dhalika al-ulama wa minhum min al-mu'asirin Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayh. Clair, il sort de l'islam. Man qatala nafsa, celui qui se tue. Ah, il est quoi? Khalidina fiha. D'accord, on parle de khuloud ici. Est-ce qu'il est éternellement en enfer? Non, on a bien compris. Donc c'est al-khuloud al-mu'aqqat. Qulna al-khuloud khuloudan. Donc il n'est pas éternellement en enfer. Il reste musulman. Il reste musulman. D'accord? Tant qu'on n'a pas une preuve qu'il a fait un acte qui fait qu'il sort de l'islam. Mathalan, tarikus salah. Celui qui délaisse la prière. اختلف العلماء قول الراجح من اهل العلم celui qui délaisse la prière ici dû à la paresse et ici quelquefois il l'a fait quelquefois il ne l'a fait pas mais il reconnaît que la prière est obligatoire قول الراجح من اهل العلم وقول الجمهور il est musulman ولكن il est tombé dans الكبائر dans les grands péchés et parmi les plus grands des péchés ولكن يغسل ويكفن ونصلي عليه. Ici, il est lavé, et certains gens de science, ici on dit, non, il sort de l'islam. الدليل على ذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. L'impact entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui les délaisse, faqad kafar. Il sort de l'islam. Il a mécru. Il est tombé dans la mécréance. Wa l'iyadu billah. فمن أهل العلم من قال خرج من الملة لا يغسل ولا يكفن ولا نصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. Il n'est même pas enterré dans les cimetières des musulmans. Tu le jettes même dans une fosse commune. Certains savants. ولكن même Cheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى ici il dit قول الراجح, c'est que s'il la faisait de temps en temps, il a délaissé, il a laissé par paresse et autres, et il la reconnaissait, قول الراجح, c'est qu'il reste musulman. D'accord? Et certains savants, et surtout du Hijaz, Cheikh Al-Uthaymin, Wallahu A'lam et d'autres, ils disent, il sort de l'islam. Dans tous les cas, il sort de l'islam, wal'ayadhu billah. Ça, il y a une divergence. Walakin al-Jumhur, la majeure partie des savants, ils disent qu'il reste musulman. Mais si on prend l'avis des savants qui dit qu'il sort de l'islam, إذا قلنا خرج من الإسلام هل هو يعني في النار نتحدث عن الخلود المؤقت أم لا éternellement. Si on prend l'avis que il est sorti de l'islam, خالدين فيها أبدا, ça veut dire que لا يورث, il n'a même pas droit d'hériter, on n'a même pas droit d'hériter sur lui, on le lave pas, on prie pas sur lui, tu le jettes même dans une fosse commune, tu n'as pas le droit de le marier avec une musulmane et il est en enfer éternellement. Donc ce n'est pas simplement des paroles faciles à dire. Man taraka faqad kafar, il sort de l'islam, celui-là il sort de l'islam, il est plus musulman. Ah, faut assumer tout le reste. Ça veut dire que tu n'as même pas le droit de lui passer le salam. Wa raddu salam la yajuz. Raddu salam la yajuz. Tu n'as même pas le droit de répondre au salam. C'est-à-dire, c'est un non-musulman. Donc, tu dois mettre en application tout al-ahkam, les jugements sur lui comme si c'était un non-musulman. Car c'est un non-musulman. C'est pour ça que nous disons qawlu rajih, wa kama bayana dhalika aydan, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, wa Cheikh ibn al-Qayyim al-Jawziya, inda al-jumhur, la yakhruj min al-millah. Si il reconnaît que c'est obligatoire, walakin, quelquefois il a fait, quelquefois il l'a fait pas, il la délaisse par paresse, il reste musulman. Mais certains savants disent, il sort de l'islam, wal-iyadu billah. Juste ça, ça doit pas traumatiser la personne, billahi alaykum. Se dire que tu meurs, peut-être, ça y est, tu es en enfer éteint parce que t'as délaissé la prière. L'importance de la prière et l'importance de tawhid avant tout. Car ici, at-tawhid, tu le laisses, t'es en enfer éternellement. Et la prière, tu la délaisses. Chez certains gens de science, tu es en enfer éternellement. Wal'iyadu billah. Amma man qatala nafsa, fahuwa muslim. Il reste musulman. D'accord? S'il priait, par exemple, s'il reconnaissait, il disait, achadu la ilaha illallah, muhammadur rasoulullah, il est musulman. Voilà qu'il est en enfer pendant une longue période, mais déterminée, comme l'ont dit les gens de science. Walladhi yasub ad-din, mathalan. Man sabb ad-din, wa man sabb al-islam, wa man sabb al-rasoul, alayhi salatu wassalam, wa man sabb al-qur'an, fahal yakhruj min al-milla amla? هذا يخرج من الملة هذا يخرج من الملة بعد إقامة الحجة عليه دائما نقول ذلك après l'établissement de la preuve sur lui on lui dit ittaqillah tu n'as pas le droit d'insulter Allah Azza wa Jal tu n'as pas le droit d'insulter le Coran al-Karim tu n'as pas le droit d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam tu n'as pas le droit d'insulter aydan man sabba ar-rabb celui qui insulte le Seigneur Allah est-ce qu'on entend ça beaucoup dans des pays musulmans est-ce qu'on entend ce qu'on entend peu ou on entend quasiment pas dans des pays non musulmans. Certains, ils insultent Rabb dans des pays musulmans ou pas. Ça existe. Wal'iyadhu billah. Hada kufr. Si tu vas voir la personne, tu lui dis, ittaqillah, tu insultes Allah. Il dit, laisse-moi tranquille. Et alors, hada kharaja min al-millah bi ijma'il ulama. À l'unanimité des savants, comme a qala dhalika Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. À l'unanimité, il sort de l'islam. Quelqu'un qui va insulter le prophète, il va maudire le prophète, il sort de l'islam. Si il l'a fait par ignorance, par contrainte, c'est autre chose. Mais si tu lui dis, mon frère, c'est grave, et il persiste, il sort de l'islam. Ah, il sort de l'islam, fahuwa finnar, khalidina fiha abada. C'est pas un jeu. Il sort de l'islam, khlas. Tu sors de l'islam, t'es plus musulman, tu es en enfer éternellement. Contrairement à celui qui tombe dans des grands péchés, mais on n'a aucune preuve que ces grands péchés font de lui une personne qui sort de l'islam. À ce moment-là, il reste musulman. Et quand Allah parle de l'éternité ici, c'est une éternité, on a dit, qui est délimitée. Tant qu'on n'a pas une preuve que ce péché le fait sortir de l'islam. Et même si on a une preuve que ce péché le fait sortir de l'islam, tant qu'il n'y a pas eu iqamat al-hujja alayh, la ta'jali abdallah, ne te précipite pas, tant qu'il n'y a pas eu l'établissement de la preuve, sur lui. Et tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, c'est interdit. Jusqu'à ce que le prophète y montre l'importance de respecter les musulmans, et je terminerai ici. On n'a même pas le droit juste de menacer un musulman, même en jouant. Regardez, même en jouant, parce que tu pourrais tomber dans un trou parmi les trous de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit comme ja'a fi sahih, qu'aucun d'entre vous ne pointe une arme sur son frère. Par exemple, tu prends un couteau, et toi, wa anta tal'ab ma'a akhak mathalan, et tu prends le couteau à sikkin et tu fais devant lui comme ça, tu joues, hadha la yajuz. Le prophète alayhi salatu wa sallam naha an dhalik comme ja'a fi sahih. Il dit personne n'a le droit de prendre une arme, n'importe quelle arme, et de menacer son frère comme ça, même en jouant, même en s'amusant. Et il dit pourquoi? Regardez pourquoi le prophète alayhi salam il dit quoi? Il dit car il ne sait pas, il se peut que Shaytan l'incite à l'utiliser. Peut-être Shaytan va te pousser à l'utiliser, peut-être tu vas tuer ton frère sans faire exprès. Et à ce moment-là, il se retrouvera dans un trou parmi les trous de l'enfer. À ce moment-là, il se retrouvera dans un trou parmi les trous de l'enfer. Juste menacer ton frère, même en rigolant, hadha la yajuz. Insulter ton frère, hadha la yajuz. Calomnier ton frère, hadha la yajuz. Belle. Celui qui s'éloigne de son frère pendant la période d'une année, il ne lui parle pas à son frère comme ja'a fi sahih pendant un an. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? C'est comme s'il avait versé son sang. Et dans un autre hadith, le prophète il dit, toute personne, s'il y a deux frères qui ne se parlent pas pendant plus de trois jours et qui meurent, ce frère-là, fahuwa finnar, il est en enfer. Hadith on sahih. Celui qui ne parle pas à son frère pendant trois jours, وَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَ أو فِي هَذِهِ الْحَالَ. Il sait quoi? فَهُوَ فِي النَّالِ. Il rentre en enfer. Et le prophète alayhi salam dit خَيْرُكُمْ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui commence par السلام. وَفِي الْحَدِيثَ الصَّحِيحِ. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui rencontre son frère après qu'il ait dit ça, interdiction de se séparer pendant trois jours, le meilleur, c'est celui qui passe le salam. Et il dit, si il se passe le salam, les deux, ils se seront associés dans le bien al-khayr. Et s'il y en a un qui passe le salam et l'autre, la yaruddu salam, le premier, il s'est blanchi. Khalas. Il n'est pas concerné par toutes les mises en garde du prophète alayhi salatu wassalam. Et le deuxième, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'à maja'a fsa'i, c'est lui qui encourt la colère et l'enfer. C'est lui qui prend cette responsabilité. Si lui, il ne passe pas, il ne répond pas au salam. Le premier, khayrukum man bada'a bis salam. T'as passé le salam, tu as tiré ta responsabilité. Al-Malak, un ange, l'ange, il te répond le salam, al-Shaytan lui répond le salam à, il lui répond à lui, plutôt, pas le salam. Il lui répond à l'autre personne. Mais toi, c'est un ange. Toi, tu t'es blanchi, walillahi alham. Et comme a dit Afisa, le prophète alayhi salam, il a dit le lundi et le jeudi, les actions sont présentées auprès d'Allah, al-A'mal. Ils sont présentés à Allah Azza wa Jal. Allah, il pardonne à tout le monde sauf à qui? Al-Mushrik. L'associateur, et il parle à qui? Celui qui n'est pas musulman, et à qui? À celui qui est en conflit avec son frère. Sauf celui qui a fait la cause pour se réconcilier. Khayrukum man bada'a bis-salam. Tu as tiré ta responsabilité. Amma al-akhar, il meurt. Il mérite l'enfer, la colère d'Allah Azza wa Jal. Shaytan lui répond, et ses péchés ne sont pas pardonnés. Wallahu al-musta'an. Et ici, ayu al-ahibba, la ghalb, le temps, il passe très vite et on a beaucoup débordé. Mais est-ce que ce qui se passe maintenant, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de meurtres, etc., est-ce que c'est un grand bien pour la communauté dans l'au-delà? Na'am. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a dit. On verra ça, bi'idhnillah azza wa jal, la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.